tu as et tu auras de ce que j'ai. Raconte-moi ce que tu crois, je te dirai ce que je sais. Dans toutes les langues, il n'y a pas de hic. Levons et jetons l'ancre et changeons tout, vive le trafic. Explorateur, la nuit comme le jour. Au premier mai, au nouvel an. Explorateur, au départ, au retour. Et si on chante tout le temps. Explorateur, la nuit comme le jour. En deux, trois mouvements. Explorateur, on fait rimer l'amour avec le soleil et le vent. Tu me donneras tes épices contre mon vin et mes liqueurs. Tu seras mon ambassadrice, je serai ton ambassadeur. Notre bénéfice sera à la hauteur. Un feu d'artifice et changeons toutes nos couleurs. La nuit comme le jour. Au premier mai, au nouvel an. Au départ, au retour. Et si on chante tout le temps. La nuit comme le jour. Deux, trois mouvements. Explorateur, on fait rimer l'amour avec le soleil et le vent. Misturo minha língua com a sua no forró. Divido o que tenho, minhas crenças, meu suor. Falamos de xixi internacional em Provençal. Quanto que é, quanto que vale. Me aprofundo, profundo nessa capital do mundo. Apimenta de cheiro, comenta, me tenta. Aumenta o calor que faz 40. Senhor, aumenta o som dos timbales. Chante tout le temps. Explorateur, la nuit comme le jour. En deux, trois mouvements. Explorateur, on fait rimer l'amour avec le soleil. Explorateur, la nuit comme le jour.